Ce signal de danger annonce la proximité d'un passage pour piétons. Il faut toujours passer derrière les piétons en laissant un intervalle d'au moins 1 mètre.